franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Dassault Système ou le système Dassault, ou encore l'histoire d'un milliardaire dans la ville. Cette histoire aurait pu commencer comme un conte. Il était une fois un homme qui avait tout mais qui en voulait plus. Le système Dassault, c'est l'histoire d'un face-à-face improbable entre deux mondes que rien ne devait associer un jour. D'un côté, l'un des hommes les plus puissants du pays, héritier milliardaire, Serge Dassault est à la tête d'un vaste empire industriel et médiatique. Les présidents et gouvernements se succèdent, mais lui, il est toujours là, au centre d'un pouvoir médiatico-industriel. En face, il y a une ville. Oh, pas la plus grande des villes, pas la plus jolie non plus, non, juste une ville moyenne et populaire du sud de la banlieue parisienne. Cette ville, c'est Corbeil-Essonnes. Entre elle et Serge Dassault, une union s'est scellée depuis bientôt 30 ans. Mais en 2009, les habitants de la ville accusent l'ancien maire de les avoir payés pour récolter des voix. Du côté du maire, on dénonce des témoignages de voyous et l'absence de preuves sérieuses. À l'heure actuelle, Serge Dassault est présumé innocent. Mais pourquoi cette mise en accusation? Comment expliquer que l'industriel se retrouve dans le collimateur de la justice? Que recouvre ce que certains appellent le système Dassault? Ces questions, nous essaierons d'y répondre en seconde partie d'émission avec Yann Philippin, journaliste à Mediapart. Il enquête depuis plusieurs années sur Serge Dassault et la ville de Corbeil-Essonnes. Il en a récemment publié un livre coécrit avec Sarah Guibaudot de France Inter, un livre intitulé « Dassault Système », publié chez Robert Laffont en avril dernier. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à Corbeil-Essonnes à la rencontre des habitants de la ville pour évaluer l'héritage, s'il y a héritage, du système Dassault aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupuy-Henquin, Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Thomas Jost, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Stéphane Poitvin, Serge Viguier. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Voilà une semaine qu'a été levée l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Il est depuis ce matin en garde à vue à Nanterre. Le sénateur UMP et industriel, âgé de 88 ans, est soupçonné d'avoir monté un système d'achat de voix pour les municipales de Corbeil-Essonnes, dont il fut le maire de 99 à 2005. La garde à vue peut durer 48 heures et donc se prolonger jusqu'à vendredi matin. Février 2014, Nanterre, 10h. Accompagné de son avocat, Serge Dassault entre dans les locaux de la police judiciaire. Il a face à lui les responsables de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il est soupçonné dans une affaire de corruption électorale à Corbeil-Essonnes. Depuis plusieurs mois, les policiers enquêtent et ils ont découvert plusieurs éléments qui rejoignent les témoignages des habitants de la commune. Le 25 juin 2013, lors d'une perquisition au bureau de Serge Dassault à la mairie de Corbeil, ils retrouvent un DVD sur lequel des jeunes d'un quartier sensible de la ville réclament de l'argent. Ils affirment avoir aidé le maire au cours d'une campagne électorale. Le lendemain, les enquêteurs trouvent dans une armoire de la résidence de Serge Dassault, les Pinsons, une série de listings qui mentionnent 147 habitants de Corbeil. À la droite des noms, il y a deux colonnes, une intitulée « payé », l'autre « non payé ». Enfin, au cours de leur investigation, les autorités mettent le doigt sur d'obscurs circuits de financement du Liban au Liechtenstein en passant par le Maroc. L'enquête gagne alors les bancs de l'Assemblée. Au Sénat, après un premier vote contre, les élus lèvent finalement l'immunité parlementaire de leur collègue Serge Dassault. Une semaine après, il est placé en garde à vue et mis en examen. Ce 19 février 2014, plusieurs collaborateurs de l'ancien maire sont aussi interrogés. Tous nient en bloc. Dans son procès-verbal, Serge Dassault proclame son innocence et dit « Mon imprudence réside dans le fait que j'ai commencé à donner de l'argent pour des projets. J'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'aurais jamais dû approcher. » Bien, Mais quel est donc cet engrenage? Comment le milliardaire, sixième fortune de France, héritier du groupe fondé par son père, le grand industriel Marcel Dassault, à la tête d'un patrimoine estimé à 13,5 milliards d'euros, principal fournisseur de l'aviation française, actionnaire de Thalès, patron de presse, propriétaire du Figaro, à la tête d'un château bordelais, d'une agence de vente aux enchères ou encore d'une filiale immobilière, comment cet homme-là a-t-il pu se retrouver devant la justice pour une sombre histoire de corruption dans sa ville de Corbeil-Essonne? Remontons les fils de cette enquête qui nous plonge au cœur des spécificités de la politique à l'échelle locale où parfois des liens ténus et des intérêts troubles unissent des acteurs que tout devrait opposer. Tout commence peut-être ici, à Paris, le 21 avril 1986. Ce jour-là, six avions Mirage survolent le ciel de la capitale. Quelques mètres plus bas, dans la cour des Invalides, la France rend hommage à l'un de ses plus brillants capitaines d'industrie, Marcel Dassault. De droite comme de gauche, ils sont nombreux à être venus aux obsèques. Laurent Fabius, Jacques Chaban-Delmas, entourent Jacques Chirac, le premier ministre de l'époque. Ce dernier prononce un éloge funèbre à celui qui l'aida quelques années auparavant à se lancer en politique. La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Dans tous ses discours, dans tous ses écrits, il nous rappelait que l'union des Français était la plus noble des ambitions et la grandeur de la France, le plus élevé des idéaux. Voilà, je crois, le testament que Marcel Dassault nous a laissé. Jacques Chirac a raison de mettre l'accent sur le legs des valeurs, car pour la succession à la tête de son groupe, Marcel Dassault n'a désigné personne. À l'époque, son fils, Serge, est inconnu du grand public. Les Français ont plutôt vendu des amours de Marcel pour Serge. Ce dernier ne jouit pas d'une très bonne réputation. La voix nasillarde, le franc-parler pas forcément maîtrisé, et un côté un peu bonhomme ne joue pas en sa faveur. Pourtant, le fils maudit a tout fait pour s'inscrire dans les pas de son illustre père. Il est diplômé de Polytechnique, a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe et a fait preuve, chaque fois, d'excellents résultats. Bien. Seulement voilà, c'est le fils mal aimé. Et pour certains pontes, au sein du groupe, il doit y avoir des raisons à cela. Pour la confiance, on fait mieux. De son côté, l'État, actionnaire minoritaire du groupe, compte bien profiter de l'occasion pour reprendre la main. André Giraud, le ministre de la Défense de Jacques Chirac, tente d'y placer un homme de confiance. Mais contre toute attente, au conseil d'administration du 29 octobre 1986, c'est bien Serge Dassault qui est élu à la tête du groupe. Première victoire dans ce duel pour l'histoire que livrent à distance le fils et le père. Dans cette lutte, l'autre objectif de Marcel Dassault n'est pas industriel ou financier, non. Il est politique. Pour marcher sur les traces du paternel, député de l'Oise pendant plusieurs décennies, il décide de conquérir une circonscription. Dès 1976, Serge Dassault jette son dévolu sur Corbeil-Essonne. Là encore, il ne choisit pas la facilité, mais il veut faire ses preuves, loin de l'ombre de son père. La ville est un bastion rouge de la grande banlieue parisienne, administrée depuis 1959 par le communiste Roger Combrisson, homme respecté et charismatique. Alors, le milliardaire s'arme de patience. Il s'investit et n'hésite pas à utiliser sa fortune, comme en témoigne Thérèse Simoneau, conseillère municipale et soutien de Serge Dassault, interviewée par Daniel Carlin pour son film intitulé « Du côté de chez nous », réalisé en 1995. Je suis chez vous, puisque je vous ai rencontré chez Serge Dassault. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes la plus fidèle supportrice, la première même. Oui, depuis 1977. Dès le début. Dès le début. Donc, à partir de 78... J'ai fait l'action sociale de Serge Dassault, mais c'était au point de vue social, parce que Dassault, c'était un homme qu'il fallait connaître, qui était simple, malgré ses milliards, et qui était très généreux. Donc il voulait beaucoup s'occuper des personnes âgées, des logements ou des jeunes. Moi, je l'ai vu donner combien de chèques. Vous aviez le social des gens qui étaient dans la misère, qui venaient lui demander de l'argent, il en donnait. Des notes d'électricité, des notes de loyer, des notes de tout ce que vous voulez. Il payait. Il payait. Les gens couraient après, disaient, bon ben... j'ai pas de pommes de terre à manger, j'ai pas de sucre, j'ai ceci et cela. Il a appelé son chauffeur, ou son garde du corps, sa serviette, et je l'ai vu combien de fois sortir un billet de 500 francs pour donner aux gens. Et je trouve que quand même il s'est enrôlé dans Corbeil depuis 17 ans, 18 ans, et pour lui, ben, je voudrais qu'il arrive quand même maire pendant qu'il peut encore. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Serge Dassault, sous l'étiquette RPR, dénote à Corbeil. Politiquement, il se présente certes comme un fervent libéral, une position qu'il agrémente, toutefois, d'un peu de social. Il est notamment très attaché à l'intéressement des salariés au sein des entreprises, règles qu'il applique à l'ensemble des employés du groupe Dassault. À Corbeil-Essonne, il se retrouve dans une ville marquée par le recul de l'industrie. La commune est constituée de quartiers sensibles, comme la Nacelle, Montconseil, et surtout les Tarterets, cité typique de l'architecture des grands ensembles des années 60, avec ses tours de 15 étages. Pour la bataille politique, les Tarterets sont essentiels, puisqu'ils concentrent près du quart de la population, à majorité d'origine étrangère, qui subit près de 30% de chômage au début des années 90. Trafic, incendie et affrontement avec la police rythment l'actualité du territoire. Mais après trois échecs successifs aux élections municipales de 1977, 1983 et 1989, Serge Dassault s'accroche. Il devient propriétaire du Clos des Pinsons, où il installe la fondation qui porte son nom en faveur des handicapés ainsi que sa permanence de campagne. Il continue à faire des allers-retours entre son bureau du rond-point des Champs-Élysées et la ville de banlieue. Sur place, il s'appuie sur un homme de confiance, Jacques Le Bigre. Ce commercial, ancien de l'OAS, est depuis le début des années 80 le directeur de campagne de l'industriel. C'est lui, l'homme des tracts, l'homme du terrain. À l'approche de la prochaine échéance municipale en 1995, l'espoir est, disons, raisonnable pour Serge Dassault. Roger Combrisson, le communiste, a démissionné quelques années auparavant. La nouvelle candidate du PC, Marianne Lesage, ne peut pas faire le poids. Bref, la voie est libre. Le 18 juin 1995, au soir du second tour, les résultats tombent. Marianne Lesage, 44,27%. Serge Dassault, 55%. C'est une ville communiste, c'est une ville qui est mal gérée, c'est une ville triste. J'ai tellement d'amis que je voulais pour eux les libérer de cette ville et leur donner quand même de l'espoir d'une vie meilleure dans cette ville que j'aime parce qu'elle est sympathique. Il n'y a plus de polémique, c'est fini, on a gagné, on est heureux, on oublie tout. Après 19 ans d'attente, Serge Dassault est enfin maire. Pour expliquer la victoire du milliardaire, on avance sa conquête de certains territoires, jusque-là rarement acquis à sa cause. Au Tarteret notamment, Serge Dassault y trouve un relais providentiel, un certain René Andrieux. L'homme de 42 ans, condamné pour braquage à main armée dans les années 70, est une figure importante du quartier. En 1994, il fonde une association Tarteret 2000 qui vient en aide aux jeunes de la cité. Serge Dassault décide de soutenir financièrement et matériellement l'association. En échange, René Andrieux et les autres membres de l'association se mettent au service du candidat dans la campagne municipale. Problème. Le 18 octobre 1995, quelques mois seulement après la victoire de Serge Dassault, René Andrieux est arrêté avec deux autres individus. Les policiers saisissent 4 kilos de cannabis. Mais Serge Dassault soutient René Andrieux. Vous savez, dans une ville, un maire doit être bien que tout le monde. Il ne va pas faire des catégories. Alors tous ceux qui viennent à moi, même ceux qui s'amendent en disant « bon, j'ai fait des bêtises et maintenant je vais réparer », je trouve ça tout à fait sympathique. Et puis, rien n'a dit que M. Andrieux a fait quelque chose de répréhensible. C'est la justice qui va régler ça. On n'en sait rien. Après la conquête, vient le temps de l'exercice du pouvoir. On retrouve chez le grand industriel les réflexes paternalistes du patronat du 19e siècle, Jean Schneider ou Vindel. La cité ouvrière de Dassault n'est pas en bordure des entreprises de son groupe, certes, mais à Corbeil-Essonne. Objectif prioritaire, lutter contre la délinquance et le chômage. Les deux vont de pair, et ça, le nouveau maire l'a bien compris. Il se tourne vers les jeunes du quartier des Tarterets. C'est le début de la politique dite des grands frères. Le but est simple, acheter la paix sociale. Le maire soutient les jeunes qui ont du pouvoir au sein des quartiers. En échange, ces derniers lui garantissent l'apaisement des tensions. Un exemple en particulier illustre ce projet. Il s'appelle Younes Bounaoura. Ce jeune homme est connu et respecté dans le quartier des Tarterets. Peu de temps après son élection, Serge Dassault essuie des jets de pierre lors d'une visite dans la cité. Younes Bounaoura lui vient en aide. Dans la foulée, le jeune homme obtient un poste d'éducateur à la mairie. Et puis une relation amicale s'installe entre Younes et le milliardaire. Et petit à petit, un système s'enracine. Les grands frères comprennent vite le fonctionnement. Pour obtenir des vacances organisées par la mairie, par exemple, on brûle quelques voitures avant l'été. Jacques Le Bigre, le directeur de cabinet du maire, gagne un surnom d'ailleurs, le porteur de valises. Sauf que l'attention portée au quartier des Tarterets fait des jaloux dans les autres cités. Les jeunes de Montconseil, par exemple, ont vent de ces pratiques et commencent eux aussi à revendiquer des soutiens de la mairie. Pour Serge Dassault, il s'agit uniquement de tendre la main à ces jeunes, comme il l'explique en 2000 sur le plateau de France 2. Le problème, c'est qu'il faut encadrer ces jeunes. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Si on les laisse dans leur coin sans s'intéresser à eux, ils vont continuer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à eux. J'ai été moi-même. J'ai tendu la main, quiconque aux délinquants, pas qu'à eux, évidemment, pour essayer de les ramener dans le droit chemin. Et petit à petit, j'ai réussi à sortir 1, 2, 3, 4, 5 de vrais délinquants qui volaient des voitures, qui faisaient aussi des imbécilités. Et maintenant, ce sont des gens très bien. Il faut jamais refuser de tendre la main. On ne naît pas délinquant. On devient délinquant à cause de certaines circonstances. Donc on peut sortir les gens de cette situation. Et grâce à ça, la délinquance générale dans au Tartuac, Corbeil a baissé. Au-delà de cette gestion singulière à l'égard des jeunes, Serge Dassault mène aussi une vaste politique de réaménagement urbain. Il passe outre la consultation des habitants et engage la destruction de 2 tours des Tarterets et la rénovation de 6 autres. Il soutient la construction de la mosquée, une politique qui d'ailleurs obtient des résultats. 5 ans après son arrivée à la mairie, la délinquance chute de presque 20%. Serge Dassault est réélu le 11 mars 2001, dès le premier tour, avec 51,6% des voix. Au cours de ce second mandat, il continue son action de rénovation urbaine. La ville change au rythme des chantiers du maire bâtisseur. Les tours sont détruites, remplacées par des résidences mieux calibrées, des écoles et des gymnases sont construits. En revanche, le système des enveloppes continue et les tensions sont vives. C'est que beaucoup d'argent circule dans Corbeil. Et on commence à parler de raquettes. À mesure que le temps passe, les menaces sont de plus en plus directes. Le 18 septembre 2007, Jacques Le Bigre, le bras droit de Dassault, celui qu'on surnomme le porteur de valises, est passé à tabac à la sortie de chez lui. À la mairie, on s'en rend compte, la situation devient délicate, voire ingérable. L'engrenage est enclenché et l'étau se resserre autour de ce que les habitants appellent maintenant le système Dassault. We'll be right back. Janvier 2008, Corbeil-Essonne. À l'approche des élections municipales, la gauche s'est remobilisée. Depuis les précédentes élections de 2011, elle a trouvé un nouveau chef de file, Bruno Perriou. Pour lutter contre Serge Dassault, le candidat communiste monte une association baptisée la Ville Ensemble, en un seul mot. Elle réunit des militants politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. L'objectif est d'agir au plus près des quartiers pour les reconquérir. De son côté, âgé de 83 ans, Serge Dassault décide de repartir en campagne. Mais cette fois, la victoire facile, comme en 2001, est loin d'être acquise. La ville de Corbeil-Essonne présente cet étonnant constat. Aux élections nationales, la gauche est largement gagnante, mais à l'élection municipale, c'est Serge Dassault qui l'emporte. En pleine campagne municipale, Bruno Perriou décide de s'attaquer frontalement aux méthodes de Serge Dassault. Il critique d'abord la gestion municipale, et pour cause. La ville est largement endettée suite aux nombreux investissements du maire UMP. L'autre angle d'attaque de l'opposition, c'est celui, bien sûr, des pratiques de Serge Dassault. Bruno Perriou n'hésite pas à convoquer la presse pour dénoncer le clientélisme en vigueur, comme lors de ce reportage où, entre les lignes, Serge Dassault reconnaît qu'il distribue de l'argent. Bah, les enveloppes, vous en avez des enveloppes quand même. Bon, vous l'avez dit au conseil municipal que vous étiez généreux. Les gens en ont besoin. Et bon. Et comment vous les aidez? Vous les aidez avec quoi? Les sur le plan humain, pas pour avoir de l'argent. Oui, mais. Vous leur donnez de l'argent, c'est ça? Très peu. Moi, je pense que le maire de Corbeil-Essonne, depuis quelques années, a mis en place à Corbeil-Essonne une pratique clientéliste vis-à-vis de certaines entreprises pour tenter d'acheter la paix sociale dans cette ville. Et c'est dans un climat délétère que la campagne se déroule. Pascal Pascarellio, reporter de France Inter, est violemment prise à partie lors d'une réunion organisée par Serge Dassault. Elle a eu l'outrecuidance de poser une question sur les dons du maire. Sur le terrain, ce dernier remobilise ses troupes, mais toutes ses attaques ne l'effraient pas. Il a le droit de disposer de son argent personnel comme il l'entend. Il aide juste les jeunes, en aucun cas, on l'a entendu tout à l'heure, il n'achète leur voix. Une association est créée, En Marche pour Corbeil-Essonne, dont le vice-trésorier n'est autre que Younes Bounouara, principal soutien de Serge Dassault dans le quartier des Tarterets. D'ailleurs, au fil du temps, ce dernier prend du galon. Il incarne à merveille le parcours des grands frères, ces premiers soutiens de Serge Dassault dans les quartiers sensibles, qui au fur et à mesure prennent du pouvoir. Ils ne sont plus employés municipaux. Pour la plupart, ils ont monté leur société, bien aidés par le parrainage de Sergio, comme certains l'appellent. Chacun a son équipe et le jour du scrutin, on voit des jeunes des cités près des bureaux de vote venus soutenir la candidature du maire sortant. Finalement, le 16 mars 2008, au soir du deuxième tour, les résultats donnent ceci. 22h15 hier soir, à l'hôtel de ville de Corbeil. Les partisans de SD, comme on l'appelle ici, laissent s'éclater leur joie. Le richissime avionneur, soutenu par l'UMP, repart pour un troisième mandat. Moi, personnellement, c'est grâce à lui que je vais faire mon association, pour aider les jeunes de quartier, justement, leur faire un éveil culturel, l'aide aux devoirs, et voilà, faire un séjour pour leur faire montrer la France. À quelques mètres de là, en contrebas, place de l'hôtel de ville, l'ambiance est tout autre. Bruno Perriou et ses partisans sont amers. Ils ne comprennent pas comment Serge Dassault a pu l'emporter alors que la gauche était majoritaire au premier tour. Incontestablement, les résultats des quartiers populaires de Corbeil-Essonne ne reflètent pas l'état réel des forces. Les démocrates, malgré tout, puisqu'on perd à 168 voix, sortent renforcés de cette campagne électorale. Eh bien, nous allons continuer. Déçu mais pas abattu, Bruno Perriou envisage aujourd'hui de déposer un recours en annulation. Il estime que son adversaire n'a pas respecté la loi. C'est honteux, vraiment honteux. Ils ont perdu parce qu'ils étaient moins bons que nous, c'est tout. Et que les gens nous ont cru plus. Pensez que 13 000 voix, quand vous voulez que j'achète 13 000 voix, c'est ridicule. 6 000 voix, c'est stupide. Serge Dassault savoure sa victoire et il se montre généreux. Quelques mois après sa réélection, Gérard Lima, le comptable suisse de l'industriel, effectue 3 virements à des habitants de Corbeil depuis un compte au Luxembourg. Younes Bounouara reçoit la modique somme de 600 000 euros sur un compte en Algérie qui appartient à son beau-père. L'ordre de virement indique le financement d'un projet humanitaire dans un village de Kabylie. L'opposition, elle, a la défaite amère. 168 voix, ça paraît bien peu. Le candidat Bruno Perriou décide de mener son enquête. Il se rapproche alors de certains habitants des Tarterets. deux en particulier, Fatahou et Larbi Marzoumi. Le premier est à la tête d'une société de transport, le second propriétaire d'une boulangerie. Les deux hommes racontent à Bruno Piriou le système présumé des achats de vote. Les équipes formées, en fonction des quartiers, sont en charge de récolter les voix. Ils mettent en cause les grands frères qui contrôlent les opérations. Ils citent notamment Younes Bounouara, le soutien historique de Serge Dassault. Ils sont d'accord pour témoigner officiellement. Après avoir fait machine arrière, ils apportent finalement leur témoignage à Bruno Piriou qui s'empresse de les remettre au Conseil d'État. Le 8 juin 2009, un an après les élections, l'instance annule le scrutin de 2008 et tous les regards se tournent vers le quartier des Tarterets. Dans la cité des Tarterets, personne n'a oublié les élections municipales. Ce quartier populaire de Corbeil-Essonne est traditionnellement un bastion de l'extrême gauche. Mais en mars 2008, au lieu des 70% habituels dans ce bureau, le Parti communiste fait moins de 50% au deuxième tour des élections. Des voix qui se reportent sur le futur maire Serge Dassault. Dès lors, la rumeur court. Ça disait, ouais, Dassault a donné quelques petites enveloppes aux jeunes et tout, pour qu'il aille voter pour lui et tout. Je sais que j'ai vu une personne que je connais qui a une voiture. Il y en a, ils ont eu des enveloppes. C'est une personne qui est partie voir, qui lui a dit, voilà, votez pour moi et si tu veux, je t'offre une voiture. De son côté, Serge Dassault continuait de nier ses accusations il y a quelques jours, alors qu'il était encore maire. Mais je suis sidéré. Je ne comprends pas que le Conseil d'État puisse me condamner sans preuve, sur simple supposition. Cela n'existe pas. Vous contestez tous ces témoignages? Ah, écoute, il n'y en a pas de témoignages. Ils ont été contestés eux-mêmes, il n'y en a pas. Eh oui, Serge Dassault a raison. Des témoignages, il n'y en a pas. Du moins, il n'y en a plus. Car au dernier moment, des témoins se rétractent. Ils expliquent qu'ils ont menti dans leur déposition, qu'ils voulaient faire plaisir à Bruno Piriou. Aux policiers qui enquêtent sur ces curieux revirements, certains affirment qu'ils ont subi des menaces physiques et verbales, sans nommer leur agresseur. Serge Dassault est donc inéligible pour un an. Bruno Piriou aussi. Il se trouve que le candidat communiste n'a pas déclaré la location d'une salle dans ses comptes de campagne. Les deux principaux leaders politiques de Corbeil-Essonne sont donc interdits de se présenter. S'ouvre alors une période d'instabilité chronique dans la ville. De nouvelles élections sont organisées en octobre 2009. Serge Dassault choisit un homme lige. Il demande à Jean-Pierre Bechter de mener sa liste. L'homme est salarié du groupe Dassault, directeur du journal Le Républicain de l'Essonne. Le remplacement au pied levé est à peine voilé. Les slogans d'ailleurs sont simples, voter Bechter, c'est voter Dassault. Le soir des résultats du second tour, le 4 octobre 2009, c'est bien la victoire de Serge Dassault et non celle de Jean-Pierre Bechter qui est célébrée. Une fois encore, du côté de Bruno Piriou et de son remplaçant Michel Nouaille, la défaite est dure à encaisser. On vote pour celui à qui on a confiance. Bon, ils m'ont fait confiance un peu plus qu'à l'autre, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais ça prouve quand même que les gens sont reconnaissants de ce que j'ai fait pour eux. Inéligible pendant un an, le milliardaire n'aura pas l'écharpe de maire, mais gardera les commandes de la ville. Je tiens à le dire, je le réinstallerai dans son bureau de maire, je prendrai un bureau à côté, point à la ligne. Les élections se sont déroulées tout à fait normalement. Et quand le représentant du préfet proclame les résultats, la tension monte dans la mairie. Qu'est-ce qui a fonctionné lors de ce second tour? Le système Serge Dassault. Et le candidat communiste d'appeler les habitants à signaler toutes les irrégularités qu'ils auraient pu observer. C'est difficile de combattre un système qui distribue des 1000, des 2000, des 3000, des 4000 euros quand nous avons à opposer des idées, des valeurs et un projet. Face au faible écart de voix, la liste de gauche envisagerait un recours devant le Conseil d'État. Le feuilleton Corbeil-Essonne n'est peut-être pas terminé. Le candidat de Dassault est donc élu avec un écart de 27 voix seulement. Problème. Dans la précipitation, la droite a commis une erreur. Sur les bulletins de vote, Jean-Pierre Bechter est présenté comme secrétaire général de la fondation Serge Dassault. Les candidats de l'opposition ne laissent pas passer et déposent une réclamation. Le 22 septembre 2010, le Conseil d'État rejoint leur avis et estime que la référence au milliardaire est à même, je cite, « de semer le doute dans l'esprit de certains électeurs ». L'élection est donc de nouveau annulée. C'est la deuxième fois en un an. La situation à Corbeil-Essonne vire au burlesque. Pour ce nouveau scrutin, Bruno Piriou reprend la tête de liste d'opposition à gauche qui réunit cette fois les communistes et les socialistes. De son côté, après avoir hésité un temps à se présenter, Serge Dassault maintient Jean-Pierre Bechter comme candidat. Et ce dernier est élu le 12 décembre 2010 avec 53% des suffrages et 728 voix d'avance. Cette succession d'élections à Corbeil-Essonnes dégrade considérablement le climat dans la ville. Certains n'hésitent pas à parler de système mafieux qui gangrène la cité. Le retrait de Serge Dassault et l'inflation des dons au cœur des cités de la commune transforment Corbeil-Essonnes en une espèce de Chicago. Scène incroyable, le 29 mars 2010, une quarantaine de jeunes envahissent la mairie en plein conseil municipal. Dans la cohue, des cris surgissent « Dassault, tiens tes promesses !» Anonymes dans la presse papier, à visage couvert à la télé ou la voix modifiée à la radio, les témoignages des petits caïds se succèdent pour dénoncer les errements du système Dassault. La plupart du temps, la confusion règne autour de ces prises de parole. Les jeunes témoignent aussi pour menacer les autorités municipales, ils jouent au maître chanteur et puis surtout, les risques sont grands pour ceux qui veulent révéler les dessous de la ville. En 2012, une vieille connaissance revient à Corbeil-Essonnes. René Andrieux, le premier soutien de Serge Dassault, Tarteret. Des divergences avec Younes Bounouara avaient provoqué son départ de la commune. Arrivé en ville, il se rapproche de Fatahou, l'un des témoins de Bruno Piriou dans le cadre des élections annulées de 2008. Les deux hommes estiment, chacun à leur manière, avoir été lésés par le système Dassault. Alors ensemble, ils obtiennent un rendez-vous. Le 10 novembre 2012, ils font face à Serge Dassault, à la mairie de Corbeil. Munis d'une caméra cachée, ils enregistrent leur conversation. Ils expliquent à Serge Dassault qu'ils n'ont pas été payés pour leur travail dans le cadre des élections municipales de 2010. Le grand patron est sur ses gardes. Tout juste évoque-t-il l'argent donné à Younes Bounouara et à la fin d'une filière de financement occulte au Liban. La vidéo est reprise par Le Canard Enchaîné puis diffusée par Mediapart un mois après. La réponse ne se fait pas attendre. Le 19 février 2013, dans le centre de Corbeil-Essonnes, Younes Bounouara croise la route de Fatahou. Il sort une arme de calibre 38 et lui tire dessus. L'homme est grièvement blessé. Défiant, cela dit, tous les pronostics des médecins, il s'en sort. Quelques mois plus tard, au micro de France Inter, il continue de dénoncer les coulisses de la politique à Corbeil-Essonnes. À Corbeil, les meilleurs amis ne se parlent plus au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de son argent. Dassault, pour passer, il est obligé de payer des groupes pour que ces groupes-là lui ramènent des voix et pour qu'ils se fassent élire. Et il y a des fois, les jeunes ne sont pas payés. Il y a, on va dire, un Younes Bounouara qui vient, qui prend des groupes, qui dit « Ouais, toi tu fais ce secteur-là, toi tu fais ce secteur-là, t'inquiète pas, on va manger. » Mais en fait, il n'y a que lui qui a mangé dans l'histoire. Dassault, je ne vais pas dire que c'est une personne mauvaise. Il est gentil, mais les gens ont abusé de sa gentillesse. Et dû à sa gentillesse, ça a foutu la merde à Campbell. Depuis le début des années 2000, d'autres cas d'agression similaires ont eu lieu. La plongée dans les arcanes de la politique locale témoigne du contexte trouble qui règne dans la ville de l'Essonne. Un contexte marqué par l'arrivée de l'argent et des dons de Serge Dassault. Même si l'ancien maire, comme il s'en défend, n'a pas donné pour acheter mais pour aider, le résultat est là, tragique en termes d'image et de pratique de la démocratie locale. Finalement, Serge Dassault est mis en examen en février 2014. Mais la prescription empêche toute poursuite pour les élections de 2008. Deux mois après, Jean-Pierre Bechter est réélu à la mairie de Corbeil-Essonnes. Il entame son deuxième mandat. Le 5 avril 2014, Serge Dassault était là, à 89 ans, pour le premier conseil municipal. Autrement dit, quand le roi perd sa couronne, il lui reste toujours son château. Solid ground, 'cause Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. Then my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, le système d'assaut. Bonjour Yann Philippin. Bonjour. Vous êtes notre invité, vous êtes journaliste à Mediapart, vous enquêtez depuis plusieurs années sur Serge Dassault, la ville de Corbeil-Essonnes, et vous avez publié un livre en avril dernier chez Robert Laffont, intitulé tout simplement « Dassault système », que vous avez écrit avec Sarah Guibaudeau, que les journalistes, mais surtout les auditeurs de France Inter connaissent bien. Voilà. Alors, peut-être redire d'entrée de jeu que Serge Dassault est présumé innocent hein, dans cette histoire. Enfin, est-ce qu'on peut nier qu'il y a eu un système clientéliste de remise d'enveloppes et d'argent au moment des élections municipales, comme par hasard? Alors ça, c'est absolument indéniable. Donc Serge Dassault est présumé innocent. Il est néanmoins mis en examen, ce qui veut dire qu'il existe contre lui des indices graves et concordants de corruption électorale. Et ce qui est certain, et que l'enquête a démontré, c'est qu'il y a eu des distributions d'argent et de faveurs d'un montant considérable. On parle de plusieurs millions d'euros, même plus de 10 ou même 20 millions d'euros selon les comptabilités, selon qu'on prend les virements, le liquide ou un peu des deux. Le tout concentré pendant les périodes des élections municipales. Et pour quand même donner une idée à nos auditeurs, le budget légal maximum d'une campagne électorale à Corbeil, c'est 80 000 euros. Oui, on en est loin. Donc on en est très très loin. Donc on voit les monceaux d'argent, en fait, qui ont été déversés sur Corbeil, et en particulier sur les quartiers sensibles hein, dont vous avez parlé, pendant les élections municipales. De la part d'un maire très riche. De la part d'un milliardaire. Et même si Serge Dassault dit qu'il n'y a jamais donné de consigne de vote, on peut imaginer l'effet que peut avoir ces distributions d'argent sur les électeurs. Tout au long du récit, on s'aperçoit que finalement, il aurait pu être plus inquiété, peut-être même condamné. Cet homme-là a eu des protections importantes. Alors, la manière dont la justice... C'est une question, c'est pas une affirmation, c'est une question. C'est une question, mais la réponse est oui. Bon. Parce que on le voit et on le démontre dans le livre, que pendant 3 ans, la justice, en fait, ne fait rien. et a un traitement absolument anormal de l'affaire Dassault. Il y a des signalements de Tracfin, l'office anti-blanchiment de Bercy, qui voit des opérations très louches, des retraits en espèces. On voit par exemple Dassault aller chez son banquier dans le 8e arrondissement de Paris avec des dizaines de millions d'euros, de milliers d'euros pardon, en grosses coupures, qui se fait changer en petites coupures comme ça par son banquier juste avant les élections, et des choses comme ça. Il y a des écoutes téléphoniques où il y a un agent de Dassault qui raconte en fait sa campagne électorale et comment il convainc les gens de voter Dassault pour de l'argent. Donc il y a des signalements policiers, il y a des signalements de Tracfin, tout ça s'empile et ça traîne. Il faudra attendre 3 ans, coïncidence la défaite de Nicolas Sarkozy et l'élection de François Hollande, pour que enfin une enquête judiciaire soit confiée à un juge d'instruction indépendant et que là tout s'accélère avec les perquisitions et les mises en examen. Mais oui, on peut dire que pendant 3 ans, Serge Dassault a de fait bénéficié d'une certaine impunité. Alors il est à l'orée de ses 90 ans là. Hein. C'est une personnalité aussi. Il jamais il se démonte. Hein. Il est toujours extrêmement décontracté. Non, mais non, je donne de l'argent pour aider. Non, mais c'est pas pour avoir des voix. Qui est cet homme? C'est un homme qui dont la principale motivation psychologique est la soif de revanche sur son père. Hein, vous l'avez dit en début d'émission, qu'il a été maltraité par son père, souvent de manière assez hallucinante, avec des remarques blessantes. En fait, son père... Il était maltraité par son père, donc il veut être maire. En gros. Non, en fait, il veut faire mieux que son père. Mieux encore. Il veut faire mieux aussi bien que son père, qui est une légende, Marcel Dassault, bon, on ne le présente plus. Il veut faire aussi bien, voire mieux que son père dans tous les domaines. Donc, il veut être aussi bon au niveau industriel. Il veut être aussi bon sur le plan politique, c'est-à-dire avoir une mairie, avoir un mandat national, donc c'est un mandat de sénateur. Il veut être meilleur dans la presse. Son père n'a eu que l'inoffensive Jour de France, le magazine de l'actualité heureuse. Lui, il aura le Figaro, un empire de papier. Et c'est vraiment cette soif de revanche qui l'anime. Il veut toujours faire mieux que son père, montrer qu'il est capable, vu que son père lui a toujours suggéré qu'il ne l'était pas. Et du coup, je pense que c'est aussi ce qui explique la dérive du système. C'est-à-dire pourquoi on passe d'un clientélisme... malgré tout assez bon enfant, même s'il peut être moralement contestable à ses achats de voix présumés, c'est parce qu'il sent qu'il y a une dynamique de la gauche, notamment en 2008, qu'il peut perdre sa mairie, il a peur, et comme il s'agit de faire mieux de son père, cette mairie, il doit la garder, et la garder à tout prix. Et à mon avis, c'est ce qui explique principalement pourquoi le système a dérivé vers des eaux de plus en plus troubles. Au passage, vous rappeliez, on l'a rappelé, qu'il est propriétaire d'un titre important, le Figaro. Combien de temps dans ce pays va-t-on laisser des chefs d'entreprise, des grands industriels, dont l'État est le client principal, posséder des journaux? Enfin, il y a un conflit d'intérêts de structure, là. Oui, il y a un conflit d'intérêts absolument majeur, dans la mesure où le Figaro est le plus... Il y en a eu d'autres, grand... hein, la Gardère, oui, il y en a eu d'autres. Presse, voilà. Mais c'est vrai que pour reprendre le cas de Serge Dassault, on a une concentration des pouvoirs qui est absolument unique, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est l'un des hommes les plus riches de France, l'un des industriels les plus influents de France, que c'est la Rafale, c'est la défense nationale. Hein. Mmh. La France dépend des avions de Dassault pour se défendre. Il y a le Figaro qui fait la pluie et le beau temps à droite. Enfin, aucun élu de droite en particulier ne peut se permettre de se fâcher avec le Figaro, plus le monsieur qui siège au Sénat, qui a ses entrées partout, qui tutoie les présidents de la République, qui a encore récemment fait la bise à François Hollande, lui-même qui s'est fait le VRP des Rafales, mais comme l'avait fait avant lui Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Enfin, rien ne change de droite et de gauche. Et là, on a une concentration des pouvoirs entre les mains de Serge Dassault qui est assez inédite et oui, qui en effet peut être assez choquante par certains côtés. Bien, Philippin, je vous propose une balade. Ensemble. On va voir si la période Dassault a marqué la ville de Corbeil-Essonne et comment surtout elle l'a marqué. C'est un reportage d'Annel Verzo qui s'est rendu dans la ville aujourd'hui. Corbeil-Essonne, terminus du train. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié. La une du Parisien, Corbeil-Essonne, Lily deviendra-t-elle Super Mamie France ? On est très loin des affaires de Serge Dassault, hein, aujourd'hui. Je passe devant la mairie, et sur la droite, c'est la rue des Remparts qui nous mène au marché. Aujourd'hui, mardi, c'est le jour du marché, dans le centre-ville de Corbeil. J'arrive sur le marché, et là, il y a un kebab, une brasserie, l'église s'inspire derrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez monsieur ? Monsieur Ahmed. Elle a changé la ville ou pas ? Depuis que Serge Dassault a été mis en examen ? Non, ça ne va pas changer. Si Dassault, toujours Dassault. Hein. C'est lui le patron, hein. Patron de Corbeil. Hein. Ah, il reste le patron aujourd'hui. Et que c'est lui le patron. Il n'y a rien changé. Il n'y a rien changé. Il faut méfier toujours. Mais vous êtes au courant que Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter ont été mis en examen l'année dernière? Ah non, je ne savais pas. Ma part, je ne savais pas. Vous ne suivez pas ces histoires-là? Au Portage, j'habite, je n'ai pas entendu de ça. Au Portage, j'habite derrière Dassault. Dassault est là et moi, mon appartement à côté. Il est même immeuble. Vous habitez juste à côté? Voilà, rue de Gourny. Ah oui, tout près du château des Pinsons. Voilà. La résidence de Serge Dassault, ici, voilà, à Corbeil. Voilà. Et vous le voyez, du coup, de temps en temps? Oui, bien sûr, je vois de temps en temps le matin qui se lève. Il est venu, ça, je le vois de temps en temps. Bon courage. Bien, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Toujours dans le centre-ville de Corbeil-Essonne. Et maintenant, on retrouve Bruno Piriou, qui est un militant communiste, opposant de très longue date à Serge Dassault. Ici, il s'est présenté plusieurs fois à la mairie de Corbeil-Essonne. Il vient d'écrire un livre sur Serge Dassault. Ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre avec Ulysse Rabaté, L'argent maudit, c'est que quand on achète quelque chose, elle n'a plus de valeur. Serge Dassault, qui veut aujourd'hui nous mettre un Mirage 3, un rond-point, qui débaptise Jean Jaurès pour mettre son la rue Jean Jaurès, pour mettre son nom à la place, il a incontestablement, pour une part, il s'est payé Corbeil-Essonne. Et nous faisons l'expérience que quand on achète des individus, quand on achète une ville, elle perd son désir de grandir par elle-même. Corbeil-Essonne, 47 000 habitants, devrait avoir des centaines de jeunes artistes, rappeurs, danseurs, une vie sportive attractive qui mobilise. Corbeil-Essonne n'a pas grand-chose de tout ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et je salue ceux qui passent du temps à bénévolement à faire vivre tout ça. Mais au regard d'une ville deuxième de l'Essonne, aussi importante, ils ont, en distribuant des dizaines de millions d'euros dans cette ville... Alors, 53 millions d'euros en liquide, d'après millions... l'ancien comptable de Serge Dassault. Voilà, c'est ce combat que nous avons mené a permis de découvrir des caisses noires un peu partout dans le monde qu'à Serge Dassault, non déclarées, d'ailleurs le fisc s'en mêle. Eh bien, Corbeil-Essonne a été aseptisé. Est-ce qu'on continue, d'après vous, Bruno Piriou, de distribuer de l'argent? Je ne suis pas sûr que ce soit complètement fini, mais il faut dire que Manuel Valls, ancien député de la circonscription, aujourd'hui Premier ministre, a parlé de climat mafieux à Corbeil-Essonne. Je pointe du doigt quand même cette aberration qui fait que le président de la République actuelle, de ce Premier ministre, parce qu'on vend des rafales, fait la bise à celui qui serait responsable d'un système mafieux à Corbeil. Donc le combat contre la corruption, il faut continuer à le mener partout d'abord. On ne peut pas accepter ça. Il faut se mêler de politique nationale. Comment c'est possible qu'il y ait 200 familles qui ont de l'argent à pas quoi s'avère en faire et qu'on nous explique qu'il faudrait partout en France réduire l'argent aux collectivités territoriales? On a des beaux exemples aujourd'hui en Europe, notamment, je pense, en Espagne, où des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique ont su mener des combats, se fédérer, se rassembler, converger. Et puis, ça donne les belles victoires électorales de Barcelone et de Madrid. Merci beaucoup. Ah, un mec qui passe à... Là, on est en plein centre de Mont-Conseil, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Vous habitez là? Ouais, j'habite sur le quartier. Là, dans les immeubles en face? Ouais. Avant, il y avait des tours ici? Ouais, ils ont tout rasé. Hein. La tour 23. Toute ma vie, j'habite dans la tour 23, moi. Après, je sais pas, vous avez pas 30 000 euros à nous donner, non? Ah non, je sais pas, non. Moi non plus, il m'a rien donné d'assaut, donc... Alors, on entendait Yann Philippin, bon, Bruno Piriou, dit oui, ça continue peut-être, mais enfin, il prend pas le risque de dire ça continue. Enfin, d'autres habitants disent, bon, pff, non, rien n'a changé. Est-ce que les choses ont changé à Corbeil-Essonne? Difficile de le dire. C'est difficile à dire, et notamment parce que depuis la mise en examen de Serge Dassault, on a l'impression que le couvercle s'est refermé. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui sortent, notamment parce qu'il y avait ces tensions hein, autour de cet argent qui n'aurait pas été redistribué. Donc il y avait beaucoup de jeunes qui avaient envie de toucher leur dû. Et donc ça créait un appel d'air. Là, on a vraiment l'impression que la cocotte minute s'est refermée. Donc c'est très difficile de dire si les distributions d'argent continuent ou pas. Mais en tout cas, dans le fonctionnement de la ville, rien n'a changé. Oui, c'est plutôt là-dessus que je posais la question, dans le fonctionnement de la ville. Non, parce que Serge Dassault est toujours le maire par procuration. Ça, ouais. Hein, comme le disent les habitants, c'est toujours lui le boss. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, sur les marchés. Pour la campagne de 2014, quand il arrivait, il y avait un énorme branle-bas de combat sur le marché avec ses militants qui disaient « c'est le boss qui arrive ». Donc, c'est toujours le boss, comme on l'écrit en conclusion dans le livre Dassault Système, c'est toujours le maître de corbeil. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de clientélisme présumé ou avéré en France ? Alors, le clientélisme... À ce niveau-là, en tout cas. Le clientélisme, c'est une pratique qui a toujours existé. On l'a vu, par exemple, dans certains quartiers de Marseille, avec une certaine députée socialiste qui a été mise en cause, notamment pour le soutien à des associations dans des quartiers sensibles. Donc, quelque chose qui ressemble, a priori, à ce que fait Serge Dassault. On a vu ça aussi avec certains barons socialistes du nord de la France. Mais le système Dassault, il a deux spécificités. Le premier, c'est que c'est du clientélisme sur fond privé. C'est sa fortune personnelle qui dépense. Et d'ailleurs, c'est sa ligne de défense. C'est mon argent. J'ai bien le droit d'en faire ce que je veux. Et d'autre part, c'est l'ampleur de ce clientélisme. Donc, on l'a dit déjà, c'est des millions et des millions et des millions d'euros sur une période de plus de 30 ans. Et ça, c'est vraiment sans équivalent en France. Qui sont ces grands frères des cités ? C'est quoi ? C'est des petites frappes ? C'est des opportunistes ? Ces gens qui bossent pour lui ? Il y a des parcours assez divers, mais il y a quand même un point commun, c'est que c'est tous soit d'anciens délinquants, soit des délinquants actuels, mais en tout cas, c'est des gens qui ont un casier judiciaire relativement chargé. C'est pas forcément des grands voyous, hein, c'est pour la plupart plutôt de petits voyous, comme Younes Bounouara, par exemple, il n'a pas été condamné pour grand-chose. Et en fait, c'est des gens où il y a eu une convergence d'intérêts, comme vous l'avez très bien dit. Les Tartueries, il faut voir ce que c'était au début des années 90. Enfin, c'était vraiment très violent, il y avait des gare avec les flics se prenaient des bidets du haut des tours, enfin ça rentrait de 10 cm dans le bitume, enfin c'était vraiment très très violent. Et Dassault s'est dit tout simplement pour calmer ces jeunes turbulents, eh ben il faut que je prenne des gens qui ont de la poigne, de l'autorité, et donc je vais prendre des délinquants parce que c'est eux qui vont me calmer les jeunes, c'est pas les gens avec des bons sentiments. Et donc c'est noué cette relation avec les jeunes et qui est devenue de plus en plus intéressée. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont compris que, comme ils le disent, Dassault c'est un puissant fond, et donc ils en voulaient toujours plus. Il y en a même qui le disent. Je le dis, avec les années, on devient plus gourmand. Et donc, quand on devient gourmand, et il y a eu la dernière étape, qui est que quand le système s'est complètement enraciné, les jeunes ont commencé à faire du chantage, à dire non mais si tu arrêtes de payer, je balance tout. Je vais voir les journalistes, je vais voir les flics. Et cet engrenage-là a fait qu'il a été obligé de donner toujours plus, qu'il y a eu ces problèmes de redistribution et que tout a fini par exploser avec ces quand même deux tentatives d'homicide par balle en 2013. Bien sûr, on se demande quand même pourquoi Serge Dassault a jeté son dévolu sur cette ville de banlieue. Après tout, il aurait été peut-être plus logique, vu ses origines sociales, de jeter son dévolu sur une ville bourgeoise avec moins de problèmes. C'est quoi ce choix hein ? Oui, Georges Marchais, l'ancien président du Parti communiste, lui avait conseillé de se faire élire à Neuilly. Voilà. Pourquoi ce choix. Donc il a toujours refusé. Là encore, c'est le père. C'est-à-dire que, comme il l'a déclaré lui-même à l'époque, son père avait une circonscription sur mesure dans l'Oise que lui avait taillé l'ancêtre de l'UMP, enfin aujourd'hui les Républicains. Et Dassault a dit « moi je veux une ville ingagnable ». Pour prouver que je suis capable de prendre une ville que personne ne peut prendre. Et donc, il a pris une ville communiste. D'une part, parce qu'il est très anti-communiste, donc ça lui plaisait vraiment de bouter les communistes hors de la ville. Et d'autre part, parce qu'il voulait une circonscription difficile, toujours pour faire mieux que papa. Que dire, par ailleurs, de ce sur quoi les enquêteurs ont mis le doigt, les circuits obscurs de financement, on parle de Liban, Liechtenstein, Maroc, de Bounouara qui aurait reçu 600 000 euros sur un compte en Algérie. C'est énorme, 600 000 euros, enfin. Oui, il a reçu bien plus par la suite. Il a eu à la fin 2 millions d'euros au Liban. Oui, il y a c'est ce qui nous a le plus frappé en fait dans cette enquête, c'est l'opacité et le caractère très tortueux des circuits financiers. Et surtout, là encore, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que Serge Dassault, il a utilisé les cagnottes secrètes de son papa. Parce que Marcel Dassault faisait déjà du financement politique, c'est de notoriété publique, il distribuait lui aussi des billets en veux-tu en voilà à ses chers électeurs dans l'Oise. Et pour ça, il avait un comptable suisse, donc Monsieur Lima, il avait des comptes secrets en Suisse, non déclarés. Et en fait, quand Marcel Dassault est mort en 1986, eh ben Serge a hérité du tout. Les comptes et le comptable pour les gérer, donc il a le paquet cadeau qu'il a repris et qu'il a utilisé lui-même pour distribuer de l'argent à Corbeil-Essonnes. Et le problème, c'est que au début des années 2010, il y a eu les premières normes anti-blanchiment. Ses banquiers s'inquiètent et il a dû monter encore d'autres circuits, notamment via le Liban. Merci Yann Philippin. Je rappelle le titre de votre livre qui n'est sorti que depuis 3 mois, hein, donc en vente en ce moment, donc avec Sarah Guibedo. Il s'appelle Dassault Système, publié par Robert Laffont. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. À la prochaine fois, peut-être une prochaine fois, c'est notre affaire. Merci beaucoup Fabrice.